À Paris, mercredi 27 octobre 1677. Ma bonne, je ne vous ferai plus de questions. Comment ? En trois mots, les choses sont maigres, ma dent branle, le précepteur a les écrouelles. Cela est épouvantable. On ferait fort bien trois dragons de ces trois réponses, surtout de la seconde. Je ne vous demande point, après cela, si votre montre va bien. Vous me diriez qu'elle est rompue. Pauline répond bien mieux que vous. Il n'y a rien de plus plaisant que la finesse qu'entend cette petite friponne à dire qu'elle sera friponne quelques jours. Ah, que j'ai des regrets de ne pas voir cette jolie enfant. Il me semble que vous m'en consolerez bientôt, et si vous suivez vos projets, vous partez d'aujourd'hui en 8 jours, et vous ne recevrez plus que cette lettre à Grignan. Monsieur de Coulanges est parti ce matin par la diligence pour aller à Lyon. Il y sera dans 4 jours. Vous l'y trouverez. Il y porte votre chaufferette. Ayez soin de lui demander. Il vous dira comme nous sommes logés honnêtement. Il n'y avait pas à balancer, à prendre le haut pour nous deux, le bas pour monsieur de Grignan et ses filles. Tout sera fort bien. Je compte qu'elles ont leurs meubles. Ainsi, il ne faut qu'une très médiocre tapisserie pour une antichambre. J'en ai pour celle de monsieur de Grignan. Je ne vous conseille nullement d'en apporter. Il y aura un lit aussi pour votre époux. L'embarras du déménagement a été rude. Je suis ravi que vous trouviez tout paisible et rangé. Je recommande à tous vos grignants, qui ont tant de soins de votre santé, qui vous ôtent si bien tous les aliments qui ne sont pas dans les règles de votre médecin, et qui vous font un si bon et si joli sabbat pour vous empêcher d'écrire, de vous empêcher de tomber dans le Rhône par la cruelle hardiesse qui vous fait trouver beau de vous exposer aux endroits les plus périlleux. Je les prie d'être des poltrons et de descendre avec vous. Vous ne voulez pas ? Eh bien, Dieu vous bénisse. Je n'aurai point de repos que vous ne soyez à Lyon. Je voudrais bien que vous y trouvassiez votre juste corps. C'est une chose fâcheuse que de le perdre, du prix et de la beauté dont il est. J'en parlais encore avant-hier à monsieur le coadjuteur. Il parle longtemps et compte qu'il l'a donné à un moine qu'il connaît, et qu'il ne peut pas être perdu. Mais cependant, vous ne l'avez pas. J'en suis dans un véritable chagrin. J'en avais écrit à Roujou, la petite de ville au Chamarier. Écrivez-en un mot avant que d'arriver à monsieur Charrier. Enfin, on ne sait où s'adresser. Le dessus était à madame de Rochebonne. Plût à Dieu que mon voyage de Vichy ne m'ait pas empêché de prendre ce petit soin. J'aurais été peut-être plus heureuse. Je trouve, ma très bonne, que je lasserai beaucoup de vous donner ma poule bouillie. La place que vous me demandez à ma table vous est bien parfaitement assurée. Le régime que vos grignants vous font observer est fait exprès pour mon ordinaire. Je m'entends avec Ghisoni pour le retranchement de tous les ragoûts. Venez donc, ma très aimable. On ne vous défend pas d'être reçu avec un cœur plein d'une véritable tendresse. C'est de ce côté que je vous ferai de grands festins. Je suis fort aise de vous voir disposé comme vous êtes pour monsieur de Marseille. Et mon Dieu, que cela est bien, et qu'il y a de noirceur et d'apparence d'aigreur à conserver longtemps ces sortes de haines. Elles doivent passer avec les affaires qui les causaient, et point charger son cœur d'une colère nuisible en ce monde-ci et en l'autre. Vous en serez encore plus aimé de madame de Vince et de monsieur de Pomponne. Cela les tirera d'un grand embarras. Tout ce qui fâche, monsieur de Grignan, c'est que votre médecin a eu plus de pouvoir que votre confesseur, car je compte qu'il est toujours homme de bien. Il viendra, ce pauvre homme, dans une saison fâcheuse. J'ai fait des merveilles pour la pluie depuis 2 jours. Si je fais aussi bien pour le beau temps, vous ne serez pas à plaindre. Mais le moyen d'avoir du chagrin avec une si bonne et si aimable compagnie, j'ai regret qu'ils aient brûlé tout ce qu'ils m'écrivaient. Je pense que c'était grand dommage. Le chevalier est bien plaisant de vouloir empêcher la bise de souffler. Elle est dans la maison avant lui, et il l'en chassera plus tôt qu'elle n'en sera chassée. Je parlerai d'un précepteur pour le marquis. Adieu, ma chère bonne. N'apportez point de meubles, vous en trouverez. Ce n'est pas la peine pour le peu qu'il reste à meubler. Quand monsieur de Grignan sera venu, il vous faudra quelques linges de table. Ma belle, n'apportez point une si effroyable quantité de ballots. Quand je songe à 32 que vous en portâtes, cela fait peur. Monsieur le chancelier est mort de pure vieillesse. J'ai 1000 bagatelles à vous conter, mais ce sera quand je vous verrai. Mon Dieu, quelle joie ! 1000 amitiés à tous vos aimables grignants. Le bien bon est tout à vous. Je souhaite fort que l'or potable fasse du bien à la belle Rochebonne. Madame de Sanzay prendrait tous les remèdes les plus difficiles pour être guérie. La fièvre reprend à tout moment à notre pauvre cardinal. Vous devriez joindre vos prières aux nôtres pour lui faire quitter un air si maudit. Il ne peut pas aller loin avec une fièvre continuelle. J'en ai le cœur triste. C'est monsieur le tellier qui est chancelier. Je trouve cela fort bien. Il est beau de mourir dans la dignité.